le plan de la mort. Son énergie vient pas de lui-même. C'est les vivants qui entretiennent ça. Puis, ils travaillent pour leur propre plan. Vous savez, quand vous êtes incarné dans le plan matériel, vous obéissez aux lois du plan matériel, c'est-à-dire comme par exemple les lois de la gravité. Il y en a qui ont essayé de briser ça, là, en lévitant, mais il reste que la plupart des vivants sont obligés d'obéir aux lois de leur plan, puis il en est de même pour le plan de la mort. Aussi, c'est pour ça qu'au niveau d'une spiritualité souvent naïve, comme on voit avec certains mouvements spirites, par exemple, il y a une certaine vampirisation des vivants qui se fait, une certaine manipulation aussi. Et les morts vont travailler pour leur plan, selon les lois de leur plan. Puis l'affaire, c'est que, par exemple, on vit une époque troublée. Et comme à chaque fois qu'il y a une époque troublée, il y a beaucoup de gens qui vont se faire piéger par toutes sortes de mouvements, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de modes. J'ai vraiment envie d'appeler ça des modes, là, des courants et des mouvements.